Chapitre 48e. On était au commencement de septembre. La moisson était presque achevée à Authorpe et aux alentours. On ne voyait plus que quelques rares champs de blé, dont la surface, balancée par la brise, ressemblait sous le rayonnement du soleil à une mer moirée d'or et d'argent. Il faut bien reconnaître d'ailleurs qu'un autre sujet que la récolte défrayait cette année-là toutes les conversations. C'était celui du prochain mariage de Miss Courtenay avec M. Haldimond. On en parlait d'autant plus que les parties intéressées se souciaient moins qu'on en causa, par suite de la rupture encore assez récente du mariage de Dulcy et du mauvais état de santé de Sir Everard. Le jour de la cérémonie n'était connu que d'un très petit nombre d'élus, Madame Aspinall, Lord Beville et Lady Frances. Malgré le mystère dont on avait cherché à l'entourer, le secret n'en avait pas moins fini par être divulgué. Les habitants du village s'étaient entendus pour faire une surprise aux futurs époux, non seulement en parant l'église de branchages de verdure, mais en jonchant de fleurs le chemin qu'ils devaient parcourir. Jamais plus beau tapis n'avait été foulé par les pieds d'un roi ou d'une reine. Dulcy portait un simple costume de voile gris aux plis amples et gracieux. Sur la tête, une petite toque de velours ornée d'ailes de palombe. Un bouquet de fleurs d'oranger rattachait sur sa poitrine un délicieux fichu Marie-Antoinette en vieille maline. Les jeunes mariés devaient, au sortir de l'église, monter dans leur coupé et se rendre directement à la gare de Highlair. Une toilette de voyage, seule, était de mise en semblable conjoncture. Madame Aspinall, qui pour rien au monde n'eût voulu laisser échapper une si belle occasion de faire de l'effet, exhiba une robe de chez Worth, commandée tout exprès pour la circonstance. C'était un composé de satin, de velours, de passementerie, d'un poids écrasant. Mais ne faut-il pas bien souffrir pour être belle? Son chapeau blanc à plumes, ses gants à 12 boutons, ses bottines à hauts talons cerclés d'or, complétaient cette toilette super coquencieuse. Lady Frances rappelait les héroïnes du temps passé, avec sa longue et mince taille emprisonnée dans un caraco de velours caroubier, aux longues basquines sur lesquelles brillaient d'étincelants boutons en marcassite. Avec son chapeau de feutre cavalièrement relevé, orné d'une longue plume, ses gants mousquetaires et sa cravate à la Steinkirk. Lord Beville était fier du grand air et de la belle tournure de sa sœur. « Père, » dit Dulcy à Sir Everard en l'embrassant avant de prendre congé de lui à la porte de l'église, « quand et où nous reverrons-nous ? L'hiver prochain à Alger, mon enfant, si votre mari veut bien vous y ramener. Bien sûr qu'il ne me le refusera pas, si je le lui demande, n'est-ce pas, Arthur ? Bien que ce soit vous, cher Dulcy, qui veniez de me promettre obéissance, croyez bien que je n'en suis pas moins tout disposé à faire ce que vous voudrez. » Sir Everard et sa fille se serrèrent dans une dernière étreinte. Dulcy monta dans le coupé, son mari prit place à côté d'elle, encore une seconde, et la voiture part au milieu des hurrahs de tous les habitants du village. « Merci, mon Dieu, elle est heureuse !» s'écria Sir Everard. On revint au château, où un lunch somptueux était servi. Vers 4 heures, tous les hôtes de Sir Everard l'avaient quitté. Il se renferma seul avec sa tristesse dans le petit boudoir de Dulcy, où chaque objet lui rappelait la présence de l'oiseau envolé. Si tout était silencieux au château, il n'en était pas ainsi au village, où les cloches continuaient à carillonner à toute volée dans la vieille tour carrée. Les écoliers étaient en liesse. Dulcy avait demandé pour eux un jour de congé. Des bonbons et des gâteaux, à bouche que veux-tu, devaient leur être distribués en son nom. Sir Everard contemplait avec une profonde mélancolie tous les objets laissés par sa fille. Il se demandait comment il pourrait vivre sans elle, lorsqu'un frôlement de robe de soie le fit tressaillir. Il se retourna vivement, si c'était elle. Non, ce n'était pas Dulcy, mais Lady Frances. « M'excusez-vous de venir vous déranger ?» dit-elle à Sir Everard en attachant sur lui un long regard doux et caressant. « Vous ne serez pas excusé, mais remercié. Que vous êtes bonne de venir me parler d'elle, vous, sa meilleure amie. Cher enfant, votre cœur généreux vous a dicté là une démarche dont je vous suis profondément reconnaissant. Il n'y a pas de quoi, Sir Everard. Il est si doux de se sentir utile à ceux qu'on aime. » Lady Frances, très pâle et très surexcitée, paraissait en proie à une vive émotion. « Eh bien, asseyez-vous là, » dit-il, « tout près de moi, comme Dulcy. Consolez le père, après avoir consolé la fille. Votre présence dissipera l'amertume de la dernière soirée que je dois passer ici. Vous voulez partir tout de suite, sans crier gare, tout seul, cette nuit même. Et vous ne reviendrez pas avant le printemps. Vous êtes bien décidé. Je suis si profondément découragé de l'existence. Je n'aspire qu'à la solitude, au détachement de tous les biens d'ici-bas. C'est la seule branche de salut qui me reste. Ah, qu'il m'est douloureux de vous entendre parler ainsi. Mon affection, mon dévouement, ne peuvent-ils donc vous faire reprendre courage et espérance dans des jours meilleurs? Que ne puis-je partir avec vous? En disant ces mots, Lady Frances leva sur Sir Everard des yeux si ardents et si tendres qu'il comprit enfin que ce n'était pas seulement de la sympathie qu'elle avait pour lui. En la voyant si jeune, si belle et si aimante, Sir Everard repoussa à regret ce rêve enchanteur. « Ma chère Frances, l'amour et l'amitié même me sont à jamais interdits. Encore quelques jours, et j'aurai franchi le seuil d'une porte sur laquelle sont écrits ces mots. Nulle femme ne doit entrer ici. »« Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Bientôt vous saurez tout. Je ne reviendrai plus jamais en Angleterre. J'ai choisi le seul chemin qui puisse me conduire à la paix de l'âme à laquelle j'aspire. Personne ne sait ce que j'ai souffert, ce que je souffre, ce que je souffrirai encore. Je n'ai pas le droit de vous interroger sur le motif qui vous a décidé à prendre une résolution si grave, si inattendue, si regrettable, et par moi si regrettée. Adieu, Sir Everard. Adieu. Puissiez-vous être heureux. Adieu. Ma pauvre enfant, si j'étais digne de vous, soyez sûr que j'aurais été trop fier, trop heureux de pouvoir vous demander d'être ma femme, mais je ne le suis pas. Je me serais trouvé heureuse avec vous, quand même, Sir Everard, dit-elle tout bas, pendant qu'il déposait sur son front brûlant un baiser et une larme. Un mois après, on apprit à Hawthorne que Sir Everard Courtenay, devenu catholique, était entré dans un couvent de trappistes situé en Algérie aux confins du désert. Sur la porte, on lisait ces mots « Nulle femme ne doit pénétrer ici ». Jamais Dulcie ne pourra revoir son malheureux père. Chaque nuit, Sir Everard quitte sa dure couche pour aller dans la chapelle, prier et méditer. Une sentence écrite sur le mur blanc du réfectoire attire particulièrement ses regards et fixe ses pensées. Le plaisir de mourir sans peine vaut la peine de vivre sans plaisir. Il y avait à peine un an que, se conformant à la règle, le nouveau frère se bornait à répéter « Frère, il faut mourir. Il faut mourir, frère. » lorsque de pieuses mains le déposèrent dans la fosse qu'il s'était creusée lui-même. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il a beaucoup souffert. Dulcie, confiante dans la miséricorde divine, espère qu'elle retournera auprès de son père qu'elle a tant aimé. Désormais, rien ne vient plus troubler la vie calme et paisible de tous les personnages qui nous sont connus. Morton et Elizabeth Hardman sont des époux aussi bien assortis que tendrement unis. La jeune Madame Blake est bien entendu le secrétaire, le bon conseil de son époux, et pendant qu'elle écrit sous sa dictée les discours du représentant de Blackford au Parlement, la tante Dora promène sur la pelouse le premier-né de cette union bénie, un gros bébé, dont les sourires ont des charmes bien puissants, puisqu'ils font oublier à Miss Blake jusqu'aux amertumes du passé. Morton, loin de rougir de sa nouvelle famille, lui a offert un des jolis cottages du parc de Tingley. Mais on n'a jamais revu ni Clémentine ni Horatia. Les 5 o'clock tea qu'elles donnent dans leur nouvelle résidence paraissent suffire à leur bonheur. Jeanne Barnard est retournée en Amérique, où elle n'a pas tardé à apprendre qu'un legs considérable avait été laissé à ses enfants par un donataire qui désirait rester inconnu. Elle a compris et se tait. Lady Frances et son frère ne sont pas encore mariés. Lord Blatchmardean a toujours la passion de l'agriculture comme ses enfants ont celle de la chasse. Un jeune gentilhomme beau, bien fait et charmant, que la mort d'un parent vient de mettre en possession d'un des plus beaux châteaux et d'une des plus grosses fortunes territoriales du comté, partage souvent leurs plaisirs synergétiques. Il semble trouver Lady Frances charmante. On prétend qu'il ne lui est pas indifférent non plus, et que lorsque la saison des chasses sera close, le brillant cavalier et la belle chasseresse pourraient bien à leur tour viser dans la cible matrimoniale. Dulcie et M. Haldimond habitent le château de Fairview, où ils filent d'heureux et paisibles jours. Peu de temps après l'entrée de Sir Everard Courtenay à la trappe, un ouragan terrible se déchaîna sur le comté et déracina le chêne de Blatchmardean. Celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Ainsi s'achève le chêne de Blatchmardean par Marie-Elisabeth Braddon.